Bienvenue à votre podcast hebdomadaire du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Allô, allô, bienvenue au Lobster 63.0. Quoi de neuf? De mon côté, pas grand-chose, pour être franc. Mes loisirs tournent autour du dessin depuis que j'ai ma tablette numérique pour dessiner. Je suis toujours super content de ma XP Pen Pro 15.6 pouces. Je peux passer des heures à dessiner. Dès que j'arrive de travailler, je me mets devant la tablette et je peux dessiner jusqu'à 10-11 heures du soir tout en écoutant en background des mangas sur Netflix, sur mon deuxième écran ou bien j'écoute tout simplement de la musique. Et j'ai maintenant une page complète de ma BD de fées. Pour la compléter, j'ai dû faire 7 dessins et je suis bien content du résultat. Je pourrais vous la mettre disponible sur le site du Lobster pour ceux qui veulent la voir. C'est une page test. Je vais l'envoyer à mon frère qui travaille dans le domaine de l'impression pour qu'il fasse un test d'impression. Je pense que j'ai bien fait ça, mais avant de continuer, je vais être sûr que j'ai un format qui s'imprime bien. Pour l'instant, je fais chacun de mes dessins de la taille des cases qu'ils doivent venir prendre dans la case d'une page. Je me suis donc fait un cadre de la taille d'une BD standard. En fait, j'ai une BD modèle sur laquelle je me base et qui, elle, est de 18 cm par 26 cm. Et autour de ça, j'ai refait un autre cadre qui est pour la découpe lors de l'impression. Car il peut y avoir un peu de jeu sur, lors de l'impression. Il faut donc laisser de l'espace pour être sûr qu'en dehors de l'espace BD, on puisse découper sans que ça touche ce qu'on veut garder. Bref, j'y connais pas grand-chose, mais mon frère va me guider là-dedans pour être sûr que mon cadre est bon. Je viens juste de l'appeler et ce que j'ai fait semble bon. Il va donc faire un test d'impression cette semaine et je pourrai voir les résultats. Donc, pour l'instant, on part en musique et au retour, un premier sujet en lien avec les BD, les pastiches dans le monde de la BD. On vient d'écouter Shiroyama du groupe Sabaton, suivi de Void of Tomorrow du groupe Gloryfool. Bon, les pastiches dans le monde de la BD. Tout d'abord, un pastiche, c'est quoi? Un pastiche, c'est une imitation du style d'un auteur ou artiste qui ne vise pas le plagiat. Il existe d'ailleurs des pastiches dans tous les domaines littéraires et artistiques. Le pastiche est à différencier de la parodie ou de la caricature, bien que le mot pastiche puisse être employé comme un synonyme de parodie. Le pastiche remplit donc plusieurs fonctions. Ça peut être pour honorer la mémoire, pour faire de l'humour ou pour rendre un hommage plus ou moins respectueux. Aussi, en général, il y a habituellement toujours de l'humour dans les pastiches qui est un garant de leur authenticité. Ça, c'est pour le côté définition du mot. Mais un exemple concret. La BD, par exemple, Tintin en Thaïlande. Pour ceux qui connaissent un peu l'œuvre d'Hergé, eh bien vous savez qu'il n'existe pas de Tintin en Thaïlande. Mais on peut quand même acheter cette BD sur eBay pour une cinquantaine de dollars. Donc, quelqu'un s'est amusé à inventer une nouvelle histoire de Tintin et l'a dessinée. Dans ce cas-ci, ça ressemble à quoi? Eh bien, l'histoire, la voici. Tintin et le capitaine Haddock s'ennuient à Moulinsart depuis la mort d'Hergé. La femme de Séraphin Lampion apparaît, leur demandant de retrouver son mari qui a disparu en Thaïlande. En compagnie du professeur Tournesol, les héros s'envolent vers le Siam et sont partis pour un choc culturel. Bon, j'ai eu cet album entre les mains il y a quelques semaines en allant chez Comic Hunter et un peu nono, je ne l'ai pas acheté, il était seulement 20$. Mauvais jugement de ma part, ça aurait été un bel ajout à ma collection à ce prix, car sur eBay, comme je vous disais, il coûte une cinquantaine de dollars. Du côté de l'auteur, lui a surnommé cet album l'album inconnu de Tintin. Et la Fondation Hergé, qui gère les droits d'auteur liés à Hergé, quand ils ont entendu parler de l'album, ils ont contacté la police belge. Il y a eu des arrestations en lien avec ça, mais au final, tous les albums saisis chez l'auteur, environ 650, lui ont été rendus, le parquet ne considérant pas que c'était un faux Tintin, mais bien un pastiche. Donc voilà pour ce pastiche de Tintin en Thaïlande. Et d'après ce que je vois, il y en a plusieurs autres. Deux autres exemples. Les harpes de Green Moor. Dans celui-là, le professeur Tournesol est invité à une convention sur le terrorisme et se fait enlever. Et toute l'action se transporte en Irlande. L'autre, la vie sexuelle de Tintin. Ici, on dit « ouvrage insolite à l'esprit décalé, la Castafiore a un petit faible pour Tintin et pas seulement pour sa houppette ». Elle l'invite donc à boire un verre chez elle. Mais très vite, les choses dérapent et voilà notre petit blondinet qui perd son pantalon de golf devant les attributs insoupçonnés de la cantatrice. Donc, je me doutais bien que les pastiches sexuelles allaient être du lot. Enfin, on en voit beaucoup sur différents personnages célèbres. En y regardant un peu, j'ai trouvé la vie sexuelle d'Astérix, où on dit qu'une pénurie de préservatifs menace le village d'irréductibles qui ont la Gaule, s'ensuit une longue quête du précieux caoutchouc ponctuée par d'incessantes orgies. J'ai aussi trouvé les aventures sexuelles de Lucky Luke, qui est probablement dans le même style. Donc, de mettre en scène les personnages célèbres de BD dans des aventures sexuelles semble monnaie courante. Maintenant, petite pause musicale et au retour, on parle du côté légal des pastiches. Déjà, je vous parlais que l'auteur de Tintin en Thaïlande avait été accusé de produire un faux Tintin. Donc, au retour, on parlera de cette portion légale qui mélange droit d'auteur et liberté d'expression.

Tu fais quoi? J'envoie un texto à mon mec. Hein? Hey, fais gaffe, hein, désactive le correcteur. Hein. T'imagines pas le nombre de vies que ça a foutu en l'air. N'importe quoi. Hmm? Ma cousine, elle voulait souhaiter bonne fête à notre grand-mère. À cause du correcteur, elle a envoyé bonne fiotte mamie. Oui, bah elle est un peu gourde, ta cousine. Hein? Ah ouais? Et ma bosse, hein? Elle voulait envoyer à son mari je t'aime chérie. À cause du correcteur, elle a envoyé je te crève pourri. Oui, ça, j'ai pas les doigts carrés non plus. Hein. Et toutes ces mamans qui reçoivent le jour de la fête des mères. Bonne fête des merdes. Oui, bah tu sais quoi, je vis dangereusement et j'envoie « Salut, Julia ». T'as texté Anna le juteux. Attends. Problème de correcteur. T'as envoyé problème de chat rectal. Désolée pour l'erreur. Suce-moi par derrière. Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais? Laisse. Anna le juteux, veux-tu lécher un chameau pendant que j'organise une orgie satanique? Salut, Julien, ça te dit un resto? Et désolée, j'ai des problèmes de correcteur. Et qu'est-ce qu'il répond ? Pénis de porcelaine. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Du côté musical, on a écouté en premier la chanson Diabolique du groupe Demon and Wizard. Ça a été suivi du Prince des Ténèbres, Ozzy, avec une nouveauté, Straight to Hell, dans laquelle Ozzy ressemble de plus en plus à l'empereur Palpatine. Bon, maintenant, le côté légal des pastiches. Me questionnais en lisant sur le sujet. Si on pouvait en faire à notre guise, si c'était permis. D'après ce que je vois dans la loi française, du côté canadien ou québécois, j'ai malheureusement pas trouvé grand-chose. J'ai juste le cas Robinson en tête, mais je trouve rien spécifique aux pastiches de BD. Mais bon, du côté de nos voisins français, au nom de la liberté d'expression et de la création artistique, la loi autorise la parodie, le pastiche ou la caricature à condition de respecter la loi du genre. En effet, l'article « et blablabla » du Code de la propriété intellectuelle aménage certaines exceptions au droit d'auteur qui veut que toute utilisation, diffusion, commercialisation, modification, exploitation d'une œuvre de l'esprit suppose l'autorisation expresse et préalable de son auteur. Donc, de base, tu ne peux pas utiliser l'œuvre d'une autre personne, sauf dans ces trois cas-là, la parodie, la caricature et le pastiche. Bon, la parodie se définit comme toute œuvre à visée ludique ou moqueuse tirée d'une œuvre précédente. La caricature, c'est l'œuvre moqueuse qui exacerbe les traits les moins harmonieux d'un sujet pour aboutir à sa déformation. Et le pastiche, on a déjà expliqué c'était quoi. Donc, dans ces trois cas-là, on semble avoir le champ libre. Au Québec, on peut penser au défunt Safarir, qui faisait dans la caricature au maximum. La revue était publiée et vendue sans problème. Mais dans le cas des BD spécifiques, d'après ce que j'ai vu, même si le droit semble permettre certaines choses, ceux qui en font se font poursuivre. Et certains jugements que j'ai lus donnent même raison aux ayants droit des œuvres. Donc, ça semble très périlleux de se lancer dans des pastiches de BD. Faudrait pas le faire en pensant vendre nos BD chez Renaud Bray. On aurait une poursuite rapidement sur les bras. Ou ils accepteraient tout simplement pas de nous diffuser. Voilà pour le côté légal de la chose. Ça me chicotait car la BD que je suis en train de faire, je m'inspire de différentes choses que je trouve dans mes bibliothèques. Je copie rien évidemment, j'ai ma propre histoire, mes propres dessins, mais des personnages lapins comme je fais, ça existe déjà. Et sans le vouloir, ça se ressemble. Mais veux pas, un homme lapin avec des oreilles sur la tête, ça finit tous par se ressembler. Et je me questionnais donc. Je pense pas que personne pourrait réclamer des droits d'auteur sur un humain lapin avec des grandes oreilles. Veux pas, le mien va quand même être dessiné dans un style propre à moi. Mais comme de dessiner une BD est un projet de longue haleine, c'est pour ça que je me questionnais. Surtout pour un dessin que j'ai fait, car en regardant une des BD, je trouvais ça beau comment le dessinateur avait disposé les choses dans son dessin. Il avait fait une genre de case ouverte sans cadre et au final, j'ai fait dans le même style. Et c'est là que ça me chicotait. À la fin, mon dessin ressemble pas mal au sien. Je m'en suis un peu trop inspiré, donc probablement que je vais refaire cette case. C'est vraiment cette case qui me chicotait. Mais je la redessine pas tout de suite. En deux semaines de travail environ, j'ai réussi à faire une page de BD. Donc, à ce rythme, j'en ai pas mal pour plusieurs semaines pour dessiner toute mon histoire et faire un 40-50 pages. Surtout que comme je vais m'améliorer tout le long, j'ai l'impression que cette première page, je vais toute la redessiner rendue à la fin. Mon style sera rendu probablement pas mal plus beau à la fin, mais bon, on verra. J'ai décidé d'avancer, de faire de mon mieux. Sinon, je suis retourné chercher pour les lois spécifiques au Québec et j'ai finalement trouvé. Et en résumé, c'est comme les lois en France et aussi flou, car on dit qu'on a le droit de parodier, comme j'expliquais tantôt. Mais la portée de cette exception demeure sujette à débat, puisque l'utilisation équitable en demeure une question de fait, de degré et d'impression dont la preuve doit être apportée par celui qui s'en prévaut. Donc, de se lancer dans la parodie de BD risque évidemment de finir en cours. Voilà, fin de ce sujet. Back to the music et au retour, un florilège de petits sujets que j'ai sous la main. Plus de rien pour fille enfoirée, c'est pas n'importe quel destin. Dans les tuyaux, c'est à l'assemblée. T'as commencé, gamin, à rêver que ça pouvait changer. Tu pouvais aider tes prochains si ceux-ci voulaient bien t'aimer. T'y croyais vraiment, sans même avoir de plan. Mais à 25 ans, sonné comme un con, tu t'es encarté. T'as côtoyé le gouvernant, t'as compris comment ça marchait. À 30 ans, tu rêvais plus de carrière que de changement. Toi et tes copains, vous en avez brassé du vent. Convaincu de faire le bien, rester sur le chemin des anciens. À colporter les mêmes conneries qu'il y a 300 ans. Coupé du monde et de la vie, du peuple qui est libre. J'ai pas de programme à te faire. De toute façon, je m'en branle de leur système, je crois plus en rien. Pas plus aux crétins qui gouvernent qu'aux abrutis qui croient. J'ai juste pas envie de me taire. Dans l'instant, là, dans les cafés, l'opinion s'est droitisée. Ils ont cherché les coupables en oubliant leur cartable. L'histoire n'a rien enseigné à tous ces tarés, sans même lever la tête. Ils avancent comme des bêtes, heureux de ne pas être affamés. Ils donnent leur fait du cassoulet, continueront de les voter, gentiment se faire enfumer. J'ai pas de programme à faire. De toute façon, je m'en branle de leur système, je crois plus en rien. Pas plus aux crétins qui gouvernent qu'aux abrutis qui croient. J'ai juste pas envie de me taire. Si t'es pro-palestinienne, j'ai du café de Gaza. Si t'es pro-tibétaine, j'ai du TD au plateau. Si t'es pro-américaine, j'ai même du coca zéro. Tous mes produits sont cachers, stockés dans de frigidaires. Si tu fais le ramadan, je le fais évidemment. Pour ce qui est de l'alcool, si jamais tu conduis, si jamais tu tombes enceinte, je boirai pour de promis. Et si rien n'est à ton goût, comme je t'aime plus que tout, on vivra d'amour, d'eau fraîche et de cailloux. Et si t'aimes pas l'eau fraîche, il nous restera les cailloux. On refera le monde en les suçant tous les deux. C'est plein de minéraux, tout simplement merveilleux. Végétarienne, je remplacerai mes posters de foie de veau par des posters de boulgour de pommes de terre. Je suis sensible, c'est sincère, à la souffrance animale. Nos poules pondront en plein air des œufs sous péridurale. Et si tu deviens végane afin d'éviter les drames, je ne porterai plus de cachemire, je n'irai plus aux soirées cuir, je n'irai plus jamais au cirque, je n'irai plus jamais au zoo. Et si tu pars en croisade pour la survie des salades, je militerai pour qu'il n'y ait plus de tuerie de bébé laitue. On vivra d'amour, d'eau fraîche et de cailloux. Et si t'aimes pas l'eau fraîche, il nous restera les cailloux. On refera le monde en les suçant comme des fous. Et puisqu'on s'aime vraiment, on échangera nos cailloux. Vraiment nécessaire de vomir sur mes affaires, de te couvrir d'eczéma, de tomber dans le coma. De partir comme ça c'est bête, à cause d'une simple baguette. Tu vas beaucoup me manquer, je m'étais presque regarder mourir tendrement sur le canapé. On vivait d'amour, d'eau fraîche et de cailloux. T'aimais pas l'eau fraîche, mais il restait les cailloux. On refaisait le monde en les suçant comme des fous. Et puisqu'on s'aimait vraiment, on échangeait nos cailloux. On vivait d'amour, d'eau fraîche et de cailloux. Sandy Sanchez, artiste maquilleuse à la pharmacie du Rond-Point et coach de vie. Alors aujourd'hui, je vous montre comment faire un maquillage minute pour un date. Vous allez voir, c'est rapide, facile et c'est parfois réussi. J'ai avec moi la belle Caroline qui m'a confié qu'elle a un date ce soir. Alors moi, quand je pense date, je pense glamour, je pense monde de la nuit, je pense maquillage qui en fout plein la vue parce qu'il se pourrait bien que la belle Caroline, elle se fait fourrer ce soir. Prête pour ton maquillage minute, Caroline? On n'a pas le temps. Étape 1. Je vais commencer par les yeux, qu'on appelle aussi le miroir de l'âne. Et j'attaque par l'œil dominant. L'œil dominant, c'est celui que si tu te le fais crever, bah t'es morte. J'utilise la poudre Magic Whisper. Magie chuchotée. Alors ça, c'est une poudre qui se fait plus. Donc vous la trouverez peut-être sur les marchés, dans les saisies des douanes. Elle est périmée, donc elle sent fort. Mais ça donne des yeux de chinoise cochonne. Hey, fais pas ta française, hein. Conseil beauté minute. Quand que vos produits beauté sont périmés et que ça brûle, rincez-vous les yeux avec du vinaigre. Pensez-y. Alors, j'ai loupé mon coup. Donc, pour créer un effet glamour, j'ai appliqué un patch de pirate sur l'œil foutu. On passe tout de suite au sourcil. Étape 2. Le truc avec le sourcil, c'est de brosser vers le haut pour créer un effet mystère. Un sourcil vers le haut, ça dit étonnement, surprise. Toutes les hardeuses vous le diront. Les hommes adorent les femmes qui ont l'air surprises et qui sont épilées intégrales. Parce que c'est... Mais quoi ? Si vous mettez du brillant par-dessus vos sourcils, vous pouvez vous faire attaquer par des mouettes ou des chauves-souris. Si c'est la nuit, pensez-y. Alors, j'ai loupé mon coup, donc j'ai créé un look hipster avec un bonnet trop grand qui donne encore une fois cet effet mystère. Toute la soirée, le garçon va se demander « Elle s'est lavé les cheveux, elle s'est pas lavé les cheveux ?» Mystère. On passe tout de suite au fond de teint. Étape 3. Un petit truc pour savoir comment appliquer le fond de teint, visitez une morgue et regardez les cadavres. On a toute la chance d'avoir une grand-mère qui est morte. Vous avez remarqué, mamie était à son top dans le cercueil. Et ça, c'est grâce au fond de teint. Ça fait des miracles. Il y en a, ils sont morts depuis 2-3 semaines dans leur logement, ils se sont fait manger la joue par leur chat, ou ils se sont pris un coup de fusil en pleine gueule. Et ben avec un bon fond de teint, on dirait qu'ils reviennent de Punta Cana. Ouais, bon. Dernier conseil beauté minute. Pour créer un effet gencive allongée, mettez du rouge à lèvres sur vos dents. Et voilà, un beau maquillage minute pour Caroline. J'espère que son date sera dans un beau restaurant romantique. Et tamisé. Surtout. Encore un total makeover signé Sandy Sanchez. Touche pas. Je me suis encore engueulée avec mon mec. Oh non ! Encore ? Oh merde. Non mais je t'avoue, je suis écœurée. Non mais si j'étais toi, je l'enverrais chier. Si j'étais toi, je ferais un voyage. À ta place, je me ferais couper les cheveux. Moi, si j'étais toi, je deviendrais lesbienne. On s'entend plus sur rien. Chaque mot devient une engueulade. Non mais si c'était moi, j'irais consulter. À ta place, je mangerais plus de viande rouge. Moi, si j'étais toi, je prendrais des cours de mime. À ta place, je tiendrais un journal de mes rêves. Tu crois qu'il faut que je le largue ? À ta place ? Je pense que oui. À ta place, je pense que non. À ta place, je pense que oui et non. À ta place, je monterai un élevage d'autruches dans le Puy-de-Dôme. Mais je crois que je l'aime encore. Moi, j'irai consulter un chaman. À ta place, je lui dirai. À ta place, je lui dirai surtout pas. À ta place, je ferai du tir à la carabine. Je veux juste pas passer à côté du grand amour. On sait jamais. Moi, à ta place, je brûlerai de la sauge et j'apprendrai le tango. Si j'étais toi, je me ferais un lavement au thé vert et je ferais du scrapbooking. Moi, je ferais du karaté et je me ferais blanchir les dents. Moi, si j'étais toi, je lancerais un business de promeneuse de chiens et j'essaierais le crack. Il paraît que la meilleure façon de sauver son couple, c'est d'avoir un bébé. Tu crois que je devrais tomber enceinte? C'est toi qui décides. Ça t'appartient. Bah, c'est ta décision, hein. C'est en toi. Merci de m'avoir écoutée. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Hésite pas si t'as besoin. Ça va aller. Je suis avec toi. Mais quand tu veux. Elle est foutue. Elle est dans la merde. Sa place, je me le ferai tout de suite, ce petit lavement au thé vert. Ça fait boum boum boum. Chagalagalaga boum boum. Wow. Wow. Des nouvelles de l'espace. SpaceX a simulé aujourd'hui, dimanche 19 janvier 2020, avec succès l'éjection d'urgence d'astronautes d'une fusée quelques instants après le lancement. Ça, c'était un lancement de test sans personne à bord. 1 minute et 24 secondes après le décollage, à une altitude d'environ 19 km au-dessus de l'Atlantique, et alors que la fusée filait à plus de 1500 km/h, une séquence d'abandon a été déclenchée pour simuler une anomalie. La capsule a allumé ses puissants propulseurs Super Draco pour s'éjecter de la fusée et s'en distancer le plus vite possible. Donc, dans une mission habitée, ces tests qu'ils viennent de faire, ça permettrait de sauver les astronautes qui sont attachés à l'intérieur de Dragon si jamais la fusée avait un problème ou suivait une mauvaise trajectoire. Crew Dragon a donc continué seule sa course vers le ciel jusqu'à environ 40 km d'altitude dans le test qu'ils viennent de faire avant de retomber naturellement vers l'océan Atlantique. Puis, les quatre grands parachutes de la capsule se sont ouverts afin de ralentir la chute et l'amérissage dans l'Atlantique où des équipes de sauvetage avaient été prépositionnées. Donc, 9 minutes après le décollage, Crew Dragon a améri, apparemment sans dommage. L'analyse de la capsule et des données de vol confirmera si tout s'est effectivement bien déroulé et si le véhicule est jugé fiable pour y placer des astronautes. Donc, depuis, ce qu'on dit dans l'article, c'est que depuis 2011, les États-Unis sont obligés de faire voyager leurs astronautes sur des fusées russes Soyouz, les seuls à avoir cette capacité depuis la retraite des navettes américaines. Donc, ils sont bien contents que SpaceX arrive à envoyer des gens dans l'espace. La NASA a aussi passé un contrat similaire avec Boeing, qui a développé la capsule Starliner, mais du côté de Boeing, eux, ils devaient effectuer la même mission vers l'ISS en décembre, mais une erreur d'orbite a conduit à écourter la mission et à faire revenir Starliner 2 jours après le lancement. Un autre revers pour le géant aérospatial. Donc, pour Boeing, ça va pas aussi bien que SpaceX. Ça va aussi bien qu'avec leurs avions 737 qui sont cloués au sol. Du côté de SpaceX, on dit que le premier vol habité de Crew Dragon aura comme passagers les astronautes américains Doug Hurley et Bob Behnken. Si tout va bien, cette mission aura lieu ou plutôt au début du mois de mars. Donc, ça semble bien marcher pour Elon Musk et son SpaceX. Yeah! Yeah, baby! Yeah! Autre nouvelle technologique au sujet de Stadia, la plateforme info nuagique de jeux vidéo de Google. Donc, Stadia semble maintenant en fonction, donc j'étais curieux de lire si ça fonctionnait bien. L'article que j'ai lu dit « La plateforme est époustouflante, permettant de passer de la télévision à un ordi, une tablette ou un téléphone. » Mais voilà, car il y a un « mais » dans l'article. Les conditions ne sont pas toujours optimales dans la vie, donc pour que ça soit le fun, il semble qu'il faut avoir un bon internet, ce qui était évidemment à prévoir. Donc, Karim Bessiani, qui a fait des tests et à qui je donne le crédit de l'article de la presse, dit « L'installation de Stadia est un peu plus compliquée que le branchement d'une console, mais elle s'est effectuée assez rapidement et sans bug dans notre cas. Une fois abonné, vous recevez votre contrôleur Stadia et un Chromecast, une rondelle qui se branche dans une entrée HDMI de votre TV. » Plus loin dans son article, il donne le prix de tout ça. Je vous le donne tout de suite, c'est 169$ pour un ensemble de départ qui comprend un contrôleur, un Chromecast et 3 mois d'abonnement à Stadia Pro. Plus, par la suite, il faut payer 12$ par mois pour Stadia Pro. Suite de son article, après quelques minutes de configuration des deux appareils, vous voilà prêt à jouer sur la TV. Google vous recommande une vitesse d'Internet d'au moins 10 Mbps, 35 si vous souhaitez du 4K. L'utilisation du Chromecast est pour le moment la seule façon d'utiliser sans fil votre contrôleur. Vous pouvez également brancher avec un câble USB votre manette Google à un téléphone ou une tablette Pixel ou un ordi qui a le navigateur Chrome. Et dès l'inscription, vous avez accès à au moins deux jeux gratuits qui sont Destiny 2 et Samurai Showdown. Et parfois, certains autres, il dit que la liste varie de mois en mois, les autres jeux doivent être achetés. Et ça fonctionne comment Stadia? Réponse dans l'article. Il commence par nous dire ce qui a été un succès. Il dit « Notre premier test a été effectué avec un téléphone Pixel 3A monté sur un support fourni par Google et connecté par câble au contrôleur. » Il dit « Qualité impeccable, image fluide et pas de latence anormale. » Mais jouer à ces jeux sur des petits téléphones de 5,6 pouces nous a semblé une hérésie. Bon. Même succès de connexion avec un PC et un Pixelbook Geo à moins de 5 mètres du routeur, le Chromecast branché à un câble Ethernet nous a également fourni une excellente expérience de jeu. Donc, ça semble bien fonctionner. Il dit le catalogue de jeux à acheter, une trentaine offerts. Il dit qu'il y a une douzaine qui sont annoncés pour les prochaines semaines et, somme toute, honnête pour une nouvelle plateforme. Le catalogue grossit pratiquement toutes les semaines et surtout, il pourra offrir éventuellement des jeux plus lourds hors de portée d'une console de salon standard. Bon, maintenant, du côté de ce qui a moins bien été, le chroniqueur nous dit « Notre deuxième test sur la TV avec un Chromecast branché par Wi-Fi a donné un résultat lamentable. L'image était saccadée et le son coupé sans cesse. Nous avons identifié les responsables, nos deux enfants qui regardaient chacun une émission sur Netflix et un routeur incapable de répondre à toute cette demande. » Donc, il nous explique ensuite qu'il a changé son routeur pour un autre qui est un peu plus hot et qui a moins de problèmes à gérer ce trafic simultané. Il dit qu'il a obtenu une nette amélioration. Le jeu sur ordi était proche de la perfection, mais celui sur la télévision demeurait insatisfaisant. Même expérience frustrante en déplaçant l'ordinateur à l'étage à une dizaine de mètres du routeur. Donc, je me demande si c'est avantageux ce gadget-là. On est habitué à avoir du sans-fil partout dans nos maisons. Donc, si ça en arrache à jouer avec du sans-fil, je ne vois pas le gros avantage de jouer comme ça. Je préfère encore avoir mon jeu sur ma Xbox et jouer sans problème à mes jeux hors ligne. Le chroniqueur donne lui un 4 sur 5 donc à cette plateforme, mais il reste mitigé sur le fait de l'acheter ou pas. Moi, j'ai déjà ma réponse, j'en ai pas besoin. Voilà, c'est déjà tout pour mes interventions. Je dois retourner à ma tablette à dessin. Je vous souhaite donc une belle semaine et une bonne fin de Lobster. Bye bye! Beaucoup de doléances aujourd'hui? Pas mal, oui. Plus d'une douzaine de cas. C'est une connerie, ces histoires de doléances. Comment ça, sire? Mais oui, vous dites aux gens, venez, vous pouvez vous plaindre au roi. Eh ben, les mecs, ils sont pas cons, ils viennent, ils se plaignent. Voilà. Vous connaissez, sire, c'est pas mon genre de venir chouiner dès que j'ai un corps au pied. Mais là, on est arrivé à un stade, si c'est pas vous qui tranchez, ça sera moi, et moi, ça sera un coup de belge à la tête. Moi, j'étais d'avis d'y régler à l'amiable, sire. Mais c'est cette bestiole-là qui veut rien entendre. Moi, je suis pour la diplomatie. Et la zigouille, mon âne, vous trouvez ça diplomate, vous? Un regrettable accident, sire. C'est un animal qui avait l'habitude de venir brouter sur mon pré. Il se trouve que mes chiens lui sont tombés dessus. Il faut les comprendre, ils font leur travail. Bon, on va pas passer deux heures sur un âne. Guetno, je suppose que vous demandez une compensation. Un peu, un joli petit âne, courageux, travailleur, si vous avez vu ça, Seigneur Lancelot. Reparse. À moi, tout ce qui est solution amicale, je vous ai dit, je suis pour. Par contre, pour les compensations, je préfère dire tout de suite, ils peuvent se mettre en pendentif. Attention, attention. Il va arriver un moment, il y a des granges, si on se met à flamber, il faudra pas demander d'où ça vient. Vous inquiétez pas, sire, j'ai l'habitude de gérer les petites querelles de voisinage. Mes chiens, moi, ils visent les noix direct. Dites-moi, Guetno, juste une chose. Comment se fait-il que votre âne se soit retrouvé sur le pré de votre voisin? C'est pourtant pas la place qui manque chez vous. Un joli petit âne, pas sauvage pour deux ronds, sire, je l'ai laissé un peu se promener. Et puis le bestiau, pas folle la guêpe. C'est chez moi qui radinait, parce que vous avez pas vu mon pré. Mais surtout, vous avez pas vu le tien. Tout boueux, des trous comme ça, de la merde partout. Tandis que chez vous. Ah ben on parle pas la même chose, moi je connais mon métier. C'est pas compliqué, faites une visite chez lui, vous verrez. Il y a un signe qui trompe pas. Toutes ces bêtes sentent la pisse, et plus fort. Déjà, vous passez devant son portail, ça vous prend le museau là. Non, c'est pas du boulot. Moi je suis dans l'agriculture, je suis pas parfumeur moi. En attendant, les produits qui sortent de ma ferme, on se les arrache. C'est pas comme tout le monde. Vous verriez ces fromages, à lui des petits machins ronds tout noirs. Pour les couper, faut les balancer contre les pierres. Un truc à vous coller une chasse de tous les diables. Personne vous demande de manger. Ah ben encore une chance. Silence. Reparse. Est-ce que vous avez un âne? Oh, des ânes, il a que ça tout le tour du ventre. J'ai quelques ânes, oui. Pourquoi? Vous pourriez en donner un Guetno, par exemple. Quoi? Vous voulez rigoler? Ça s'apporte à la moindre des choses. Mais seigneur Lancelot, il avait au moins 75 ans, ça a été déjà moitié crevé. Une bête magnifique, le poil luisant. Tout mité, bourré de puces, les chicots moisis. Le museau rincé, l'œil vif. Une saloperie. Une merveille. Je suis sûr que méchant ont chopé le typhus. Bah stop! Un âne comme le sien, ça vaut à peine la moitié d'un des miens. Eh bah, donnez-lui la moitié d'un âne. Qu'est-ce que vous voulez vous dire, sire? Vous me dites ça vaut la moitié. Vous prenez un âne, vous le coupez en deux, vous lui donnez. Sire, vous êtes sérieux? Mais je veux pas couper un âne en deux. Qu'est-ce que vous voulez, je fous de la moitié d'un âne, moi? Et moi, qu'est-ce que vous voulez que je foute de vos conneries? Une heure et demie que je me farcis la sérénade, et mon âne, et mes chiens, et mes poules, merde, là! Tenez, tenez! Vous avez de quoi vous en payer 150 des ânes avec ça. Alors maintenant, vous allez me foutre le camp, compris? Allez, déblayez! Je suis désolé. Sans vouloir critiquer, sire, on est plutôt censé faire office d'arbitre. Oui, non, mais je sais, là, c'est, j'arbitre un peu sec, c'est parce que... mais en même temps, ça... Vous savez... c'est quoi la prochaine doléance, déjà? C'est un jeune paysan des environs qui a perdu des œufs. Qui a perdu des œufs? Non, mais en grande quantité, apparemment. Enfin, en tout cas, ça l'inquiète. C'est pas top prestige, en ce moment, les doléances.